بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ العتيمين، وهذا الشيخ النجمي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وهذا درسنا الرابع السادس والأربعون في المورد العذب الزلال. دونك نصوم 46 كور دو لو ليفر ديال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى. وقفنا عند قوله: والأصول الستة والصفات الستة كما ترد في خروجهم هي: تحقيق الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثانيا الصلاة ذات الخشوع والخضوع، ثالثا العلم بالفضائل للمسائل مع الذكر، إكرام المسلم، تصحيح النية، سادسا الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله على منهج التبليغ. ولكل من هذه الأصول والصفات مقصد وفضيلة وطريقة حصول. دوك فرغنا الله عز وجل نسوم أغيتي أسو باساج دو شيخ النجمي رحمه الله تعالى لي سي فوندمون و لي سي صفات دو جماعة التبليغ، كوم إلا سيت دون لو خروج كوم إلا أنسين ألوغ ديسيبل. بروميارمون، أكومبليغ لا بارول سوبليم ني دين ديتر أدوري كالله محمد لو ميساجي دالله. Deuxièmement, la deuxième sifat, le deuxième fondement, la prière avec concentration et dévotion. Troisièmement, la science des vertus et non la science du sujet. Et cette science des vertus avec dhikr, avec l'invocation. Et donc, et quatrièmement, honorer le muslim. Cinquièmement, authentifier l'intention. Et sixièmement, da'wa ilallah, prêcher vers Allah Azza wa Jal en sortant sur le sentier d'Allah selon la voie du jama'at tabligh. Et tous ces fondements ou ces attributs ou ces sifat ont un but et une vertu et un moyen pour se les acquérir. Fa anta tara anna hadi al-usul usul qasira naqisa wal muslim walhamdulillah laysa bi hajati la usul sita wala ila sifat sita والمسلمون ليسوا بحاجة إلى هذا الجدول وهذا البرنامج الذي وضعه الكندهلوي. الحمد لله، عندنا كتاب ربنا وسنة نبينا ومنهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. أليس كذلك إخوة الإسلام؟ بالله وتالله ووالله عندنا ما يكفي ويشفي، لسنا بحاجة إلى أصول الكندهلوي ولا إلى أصول البنا ولا إلى أصول غيرهم. فبعض هذه الأصول والصفات ناقصة وبعضها باطل من القول يضر وما ينفع. واسمع كلام الشيخ العتيمين رحمه الله تعالى وهو عندما سئل عن هذه الصفات، فقال رحمه الله: هذه الأمور التي ذكرها السائل، أي هذه الصفات التي ذكرها السائل، لا شك أنها أمور طيبة وخيرة، ولكن ناقصة. ووجه نقصها أن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو ما تضمنه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني لما جاءه جبريل فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فنصيحتي لهؤلاء الإخوة، أي نصيحة الشيخ العتيمين لجماعة التبليغ الذين جعلوا هذه المبادئ الستة يمشون عليها، أن يعدلوا عن هذه الفكرة وأن يتجهوا لهذا الحديث الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الدين. دونك فإن الله عز وجل سي فوندمون ديال جماعة التبليغ ils sont pas complètes. Et le musulman, il a louange à Allah. Zawajal n'a pas besoin de ces fondements d'Yal Jama'at Tbligh. Et les musulmans en général n'ont pas besoin de ce programme qui est fait par le Kandahlawi. La louange à Allah, nous avons le livre d'Allah Zawajal, nous avons l'authentique de la sunna du prophète et la voix de nos puissants d'Allah alayhim. N'est-ce pas? Par Allah, nous avons ce qui nous suffit. Et nous n'avons pas besoin ni des fondements d'El Kandahlawi, ni des fondements de Hassan al-Banna, ni des fondements de qui que ce soit. Et ces fondements sont incomplètes. Et certains de ces fondements sont nuls aussi. Écoutez ce qu'a dit Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala quand on lui a parlé, on lui a posé la question sur le site d'El Jama'at Tbligh. Il a dit, il n'y a aucun doute que ces choses qu'a citées le demandeur, celui qui a posé la question, il y a des choses qui sont bonnes dedans, mais ils sont incomplètes. Et il cite pourquoi ils sont incomplètes. Il dit, car la religion, car amené Mohammed alayhi salatu wasalam, c'est ce qui est contenu dans le hadith de Jibril, le hadith de Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu wa arda. Quand Jibril est venu le voir, il lui a posé des questions sur l'islam, sur l'iman et sur l'ihsan. Et Cheikh Al-Uthaymeen de dire, mon conseil à ces gens-là, c'est qu'il laisse ses fondements, et qu'il laisse tomber ses pensées, et qu'il s'oriente vers le hadith du Jibril, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a décrit comme quoi, c'est toute la religion. Comme il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, voici Jibril qui est venu vous apprendre votre religion. فَأَنْتَ تَرَى نَصِيحَةَ الشَّيْخِ الْعُتَيْمِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَمِمَّا تستفيده من هذه النصيحة أن الشيخ العتيمين صرح بأن دعوة التبليغ القائمة على هذه الأصول ستة ناقصة وصدق رحمه الله تعالى. ثانيا أوصاهم الشيخ بلزوم ما في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، لكنهم لم يفعلوا لأنهم أهل عناد لا يتخلون عن منهجهم الدعوي الذي سنه لهم محمد إلياس. Donc, frère Allah Azza wa Jal, ce que tu peux retenir de la parole de Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, c'est que Cheikh Al-Uthaymeen a déclaré que la da'wa de tablir, qui est basée sur ces six fondements, elle est complète. Et il a dit vrai, rahmatullah alayh. Et deuxièmement, il leur a conseillé de se cramponner au hadith de Jibril, alayhi salatu wassalam, mais ils ne l'ont pas fait, parce que ce sont des gens qui sont entêtés et qui sont sectaires pour leur voie de la da'wa que leur a fondé Mohamed Ilyas. Fayaqulu al-Sheikh rahimahullah ta'ala, al-Sheikh al-Najmi, famaqsadu la ilaha illallah, ay inda jama'at al-tabir, ala sabili al-mital, ikhraju al-yaqin al-fasid من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله، وأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله. وفضيلتها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فانظر أخ الإسلام، هل هذا هو تفسير السلف للا إله إلا الله؟ إخراج اليقين الفاسد، هذا أول باطل من أباطل هذه الجماعة. Donc, et Cheikh Al-Najmi rahimahullah ta'ala de nous dire, le but de la ilaha illallah, par exemple, comme il est chez Jama'at Tabligh, c'est sortir les fausses certitudes du cœur, les fausses certitudes que nous avons sur les choses du cœur, et rentrer la certitude authentique sur l'essence d'Allah. Et comme quoi il n'y a de créateur qu'Allah, et c'est Allah qui donne la subsistance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui gère, et ainsi de suite. Et il dit, et sa vertu, c'est la parole du prophète alayhi salam qui a dit, quand un être humain sa dernière parole est la ilaha illallah, il rentrera au paradis. Et comment acquérir la ilaha illallah? C'est le fait de la répéter. Hein? Ça, regarde, frère, on Allah, cette action de la ilaha illallah, est-ce que ça c'est l'interprétation de Salaf Salih, radhiyallahu alayhi? Est-ce que Salaf Salih ont dit, hein, sortir les fausses certitudes sur les choses et rentrer la certitude sur l'essence d'Allah? Et ça c'est le premier faux chez cette jama'a. Et le premier point non avenant chez cette jama'a, c'est de dire que la ilaha illallah c'est sortir les fausses certitudes sur les choses et rentrer les certitudes sur Allah Azza wa Jal. Fasma al-an li naqdi hada al-kalam li Sheikh al-Najmi rahimahullahu ta'ala likay ta'lama anna ahla al-ilm lahum basira ya'rifuna ma wara al-kalam wa ma wara al-sutur wa hada alladhi akramahum bihi Allah subhanahu wa ta'ala hada laysa illa li ahli al-ilm كامثال الشيخ النجمي حفظهم الله تعالى وامثال رحمه الله تعالى وامثال الشيخ ربيع والشيخ عبد المحسن العباد وغيرهم من علماء هذه الأمة. فيقول رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح إناته وملاحظتي على هذا المقطع وعلى قوله فمقصد لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله أن هذا كلام خطير يقرر فيه قائله وحدة الوجود ولكن في قالب وعبارة لا تنكر عليه فليقين الفاسد عند أصحاب وحدة الوجود هو التوحيد الذي جاءت به الرسل واعتقاد أن كل ما في هذا الكون هو خلق لله وأن الله مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه وعلمه بكل مكان وهذه عقيدة العقيدة التي آتت بها الرسل. Regarde maintenant la critique de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de sa clairvoyance et a comblé de la science, qui sont les hommes de science comme Sheikh Najmi rahimahullah, Sheikh Rabi', Sheikh Al-Fawzan, Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Sheikh Ubaid et d'autres parmi les grands mashayikh. Et regarde cette critique qu'il va y mettre à cette parole. Il dit ma critique, le point que je critique sur le fait de dire que le but de la ilaha illallah c'est sortir la certitude, la fausse certitude sur les choses et rentrer dans le cœur la réelle certitude sur l'essence d'Allah. Il dit rahimahullah ta'ala, ça c'est une parole dangereuse, une parole dangereuse par laquelle celui qui l'a dit, il est en train de confirmer l'unicité de l'existence, mais dans un autre style et dans un autre, une autre expression que les gens ne peuvent pas blâmer. Car il dit rahimahullah, la mauvaise certitude, c'est les gens qui croient en l'unicité de l'existence, c'est le monothéisme qu'on transmet les messagers alayhi salatu salam, qui est le fait de croire qu'Allah, que tout ce qu'il y a dans cet univers est créé par Allah et qu'Allah est au-dessus de son trône et de ses créatures, mais par sa science il sait tout ce qu'ils font et il les voit. Ça, bah écoute, cette parole qu'on entend sortir les fausses certitudes sur les choses et rentrer la certitude authentique sur le sang d'Allah, c'est très dangereux. C'est une façon de faire d'immiscer la aqidat wahdat al-wujud dans la communauté sans que personne ne s'oppose à cette aqida. ولهذا يقول بعضهم وهو عبد السلام بن بشيش وزج بي في بحار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس إلا بها. Et c'est pour ça, نسيتش نجمي رحمه الله تعالى cette parole. Il dit, regardez, écoutez cette parole de عبد السلام بن بشيش. Il dit, jette-moi dans l'océan, dans les océans de l'unicité, et arrache-moi du labour du monothéisme. Tu sais ce que c'est que l'isme qu'on transmet les prophètes alayhi salatu wasalam. Et engloutis-moi dans l'œil de la mer de l'unicité, jusqu'à ce que je ne vois qu'elle et que je ne sens qu'elle. C'est-à-dire, être Allah et la créature c'est Allah, et tout ce que tu vois sur Allah, et lui c'est Allah, et tout ça, tout c'est kharabit. C'est ainsi, frère Allah Azza wa Jal. فهم يعتقدون أي هؤلاء أصحاب وحدة الوجود أن التوحيد أحالا ويعتبرون وحدة الوجود هي اليقين الصحيح وأن تتيقن أن كل ما تشاهده هو الله جل الله عما يقولون ولكنهم يتسترون على ذلك ويأتون بعبارات محتملة حتى لا يحكم عليهم بالردة فيقتلون ويذهب لهم القبول عند العامة والتصريحات في كتبهم كثيرة لكنهم لا يبوحون بها إلا على أمثالهم فإذا مات القائل نشروا مقولاته فإذا قال أحدهم لا إله إلا الله فإنه يعتقد في هذه الكلمة أنه لا موجود إلا الله بمعنى أن كل الموجودات هي الله وإن كنت في شك مما قررته عنهم فإليك هذا الذكر وهو من أذكار النقشبندية قال في الكشف عن الصوفية ومن أذكار النقشبندية ذكر النفي والإثبات لا إله إلا الله جاء في آدابه Donc écoute frère en Allah Azza wa Jal. Les gens de ceux qui croient en l'unicité de l'existence, qui sont les sophies, croient que le monothéisme qu'ont ramené les prophètes alayhi salatu salam, c'est la boue. Ils considèrent que l'unicité de l'existence, c'est la certitude réelle et avenante. C'est que tu as la certitude que ce que tu vois, c'est Allah. Et que tout ce que tu vois autour de toi, c'est Allah. Allah est élevé au-dessus de ce qu'ils disent. Mais ils se cachent derrière des expressions. Ils ramènent des expressions dans lesquelles il peut y avoir un sens au bon pour qu'on ne les condamne pas d'avoir apostasie et pour qu'ils ne soient pas dirigés vers la guillotine par les gouverneurs. Et pour qu'ils ramènent des expressions ambiguës pour que l'awam accepte de leurs déclarations. Mais quand on s'oppose sur leurs livres, quand on voit dans leur livre, ils le déclarent clairement. Et quand quelqu'un meurt parmi leurs grands, ils propagent, ils éditent ces paroles. Et c'est pour ça que ceux qui baignent dans Wahdat al-Wujud et dans le sophisme, quand ils disent la ilaha illallah, ils croient que cette parole veut dire il n'y a d'existence que celle d'Allah. C'est-à-dire tout ce qui existe, c'est Allah Azza wa Jal. Tout ce qui existe dans cet univers, ce n'est qu'Allah. Et si tu as des doutes sur ce que je te confirme, dit Cheikh Najmi Rahimahullah, ben, écoute. Ce dhikr, c'est une invocation qui fait partie des adhkar d'Yan Naqshbandiya. Comme le rapporte celui qui a écrit, dévoilé le sophisme pour la première fois dans l'histoire. Et il dit, il fait partie des invocations d'Yan Naqshbandiya. Hein? Cette invocation en faisant la négation et l'affirmation. La ilaha illallah. Et le comportement, comment il faut le faire. Fayaqulu, naqlan an al-kashf an al-sufiya, fi adabi hada al-dhikr, dariban bilafdi al-jalalati ila al-qalb, munfidan ila qa'rihi, بقوة يتأثر بحرارتها جميع البدن مع ملاحظة معنى هذه الجملة وهو أن لا مقصود إلا ذات الله تعالى وينفي بشق النفي لا إله جميع المحدثات الإلهية وينظر بنظر الفناء ويثبت بشق الإثبات إلا الله ذات الحق تعالى وينظره بنظر الفناء ومعنى نظر الفناء عندهم أن ينظر إلى المخلوقات مع تعددها وتعدد أسمائها وصفاتها أنها شيء واحد هو الله جل الله عما يقولون وتعالى علوا كبيرا فانظر نظرة الفناء يقول الشيخ أبو مالك انظر نظرة الفناء وأنه لا مقصود إلا ذات الله تعالى ويأتي بالنفي لا إله يعني ينفي بشق النفي لا إله أي جميع المحدثات الإلهية وينظرها بنظرة الفناء يعني أن لا وجود لشيء إلا الله هذه عين وحدة الوجود عين وحدة الوجود ويثبت بشق الإثبات إلا الله ذات الحق تعالى وينظره بنظرة البقاء أي أنه ما فيه إلا الله عز وجل وهذا من أبطل الباطل فأبطل الباطل أن تصل كلمة التوحيد الكفر والشرك أنه ما يوجد إلا الله. ولعل البعض يستغرب، نعم المبتدئين من جماعة التبليغ لا يعرفون هذا، والمبتدئون من الصوفية لا يعرفون، ولأن القدماء والموثوقين غارقين في هذا، لأن هذا هو السر كما مر معنا عند الصوفية أن عندهم سر والذي يبوح به يقتلونه ردة عن طريقتهم وعن طرقهم. دونك ايكوت سو كومبورت كو دو افوار celui qui fait le dhikr de Naqshbandiya. Il doit, en arrivant à Illallah, de taper avec sa tête vers son cœur, mais de façon très forte, pour sentir la chaleur dans son corps, tout en observant la signification de cette phrase. Et ce qui est voulu par ça, que l'essence d'Allah. Et il fait la négation là, il a Illallah, qu'il n'y a rien qui existe. Que tout ce qui est créé par Allah Azzawajal n'existe pas, il n'y a qu'Allah qui existe. Il regarde tout ce qui existe en dehors d'Allah avec un œil de l'anéantissement. Et il confirme avec Allah l'essence d'Allah Azzawajal et il le regarde avec l'infinie continuité. Et ceci, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'unicité de l'existence. Qu'est-ce que ça veut dire Nadar al-Fana' indahum? Le regard de l'anéantissement. Ça veut dire que toutes les créatures, malgré son grand nombre et malgré ses différents noms et ses différents attributs, ce n'est rien du tout qu'Allah Azza wa Jal. C'est une seule chose, c'est Allah. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Fa nadratu al-fana, le regard de l'anéantissement de l'fana, c'est que tout ce que tu vois, c'est Allah. Et après, il fait la négation la ilaha. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui existe qu'Allah Azza wa Jal. Tout ce qui existe, c'est qu'Allah Azza wa Jal. Il n'y a rien qui existe dans cet univers qu'Allah. Et ça, c'est la croyance de Wahdat al-Wujud. C'est la croyance en l'unicité de l'existence. C'est le fait de confirmer avec l'itbat, avec l'affirmation dans l'Illallah, de confirmer l'essence de la vérité. Et que tu le regardes avec le regard que c'est éternel, que ça existe, que ça ne mourra pas. Et que, avec la négation, tu anéantis tout ce qui existe en dehors d'Allah Azza wa Jal, et en réalité, ça revient à quoi? Ça revient qu'Allah et ses créatures, c'est la même chose. Et, ça veut dire aussi, que, qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? Dans ces cas-là, ça veut dire qu'il n'y a de créature qu'Allah. A'oudou billah. Et ça, c'est le plus grand défaut, et le plus grand des blâmables, que la parole, du monothéisme devient une parole de mécréance et d'associationnisme. Qu'il n'existe qu'Allah. Hein? Et peut-être certains s'étonnent. Ils vont trouver ça bizarre. Évident, certes mon frère, les novices n'ont jamais à tibler et les novices dont les voix d'Yel Sophia ne connaissent pas tout ça. Ceux qui le connaissent, ce sont l'Ahbab al-Kiram, les anciens. Et ce sont ceux dans lesquels Jama'a et la tariqa et les mashaykh ont confiance. Parce qu'il est passé avec nous le sir, le secret chez Sophia, qui est le fait de croire que tout ce qui existe, c'est Allah Azza wa Jal, et que ce secret, on ne doit pas le divulguer. Et s'il est divulgué selon la voie des Sophies, ben la personne va être condamnée pour l'apostasie par les Sophies eux-mêmes. Kadalika ilayka kalam Sheikh العتيمين في هذه القضية في قضية لا إله إلا الله سئل عن من يفسر لا إله إلا الله بإخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله فهل هذا التفسير صحيح وإن لم يكن صحيحا فما التفسير الصحيح. Quand la question a été posée à Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, qu'est-ce que cette interprétation de la ilaha illallah, sortir les fausses certitudes du cœur sur les choses et rentrer la réelle certitude et la certitude avenante et authentique sur l'essence d'Allah Azza wa Jal, et comme quoi il n'y a de créature qu'Allah, que ne donne la subsistance qu'Allah, que ne régisse au monde qu'Allah, est-ce que cette interprétation est correcte? Et s'il n'est pas correct, c'est quoi la réelle interprétation? إلى ذي رحمه الله تعالى. هذا التفسير ليس بصحيح، لأن تفسيرها على هذا الوجه لا يتحقق به إلا توحيد الربوبية فقط، ومعلوم أن توحيد الربوبية وحده لا يدخل الإنسان في الإسلام. معنى كلمة التوحيد صحيح أنه لا معبود حق إلا الله، ولهذا قال الله عنهم أي المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فتبين بهذا أن المشركين أفهم لمعنى كلمة لا إله إلا الله من هذا الذي جعل معناه مجرد اليقين والإيمان بأن الله هو الخالق الرازق. وهذه مسألة عظيمة، يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله من هذا التفسير الفاسد لمعنى لا إله إلا الله، وأن يرجع إلى التفسير الصحيح الذي اتفق عليه المسلمون. فلا ترى أيها الأخ في الله أن الشيخ ابن عثيمين يقول إن المشركين أفهم لمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله من هذا الذي جعل معناه مجرد اليقين. وقائل هذا هم الأحباب الكرام، أي هم التبليغيون كما يسمون بينهم الأحباب الأحباب. ثم إن الشيخ نصحهم بالتوبة عن هذا الانحراف العقدي الخطير، لكنهم لم يفعلوا ومشوا على طريقتهم الباطلة. إذن الشيخ حفظ رحمه الله تعالى a répondu que cette interprétation de la ilaha illallah il est fausse et qu'avec cette interprétation on arrive tout simplement au monothéisme de la souveraineté de la rububia. Et il est clair que le monothéisme de la souveraineté tout seul ne fait pas rentrer quelqu'un dans l'islam. Et il leur dit que Cheikh Al-Utaymin leur a dit que la signification de la parole du la ilaha illallah, c'est qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah Azza wa Jal. Que le culte doit être réservé exclusivement à Allah Azza wa Jal, n'est digne d'être adoré qu'Allah. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite des versets comme preuve. Il dit c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit des associateurs, ils étaient quand on leur disait la ilaha illallah, n'est digne d'être adoré qu'Allah, ils s'enorgueillaient. Ils se remplissaient d'orgueil. Et il disait, est-ce que nous allons laisser nos divinités pour ce poète fou? Ainsi, il parlait de Allah Ta'ala, tout ça. Et Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, de nous dire, il nous apparaît clair que les associateurs connaissaient mieux et comprenaient mieux la définition de la ilaha illallah que celui qui... La définition de la ilaha illallah, c'est tout simplement la certitude et la foi qu'Allah... Il est le créateur, il est celui qui donne la subsistance. Et il a dit, rahimahullah ta'ala, c'est une situation énorme. Et il appartient à l'être humain de se repentir et de laisser cette fausse interprétation, la ilaha illallah, et de revenir à la réelle interprétation sur laquelle il y a l'unanimité, l'unanimité des musulmans. Regarde, frère Allah Azza wa Jal, comment Cheikh Al-Utaymeen, rahimahullah ta'ala, a dit que les associateurs connaissaient mieux la signification de Nidin d'être adoré qu'Allah que celui qui a fait que la simple signification de la ilaha illallah, c'est seulement la certitude. Et qui a dit que la ilaha illallah, c'est tout simplement sortir les fausses certitudes sur les choses du cœur et rentrer les bonnes certitudes et les certitudes avenantes sur l'essence d'Allah Azza wa Jal? Ce sont les hbab al-kiram, ce sont les tbliriyuna à l'islam. C'est pour ça que le Cheikh leur a conseillé de se repentir de cette déviation au niveau du dogme, de cette déviation dangereuse. Mais ils ne l'ont pas fait, ils sont restés sur leur voie fausse. Fa yaqul al-Cheikh al-Najmi رحمه الله تعالى وقال في المرجع السابق ومن أورادهم أي الشادي اليمناجة بن عطاء الله وتقرأ في الصحر إلهي كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمك وكلما أي أستني أوصافي أطمعتني منتك وترددي في الآثار يوجب بعد المزار فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك. تأمل في العبارة الآتية أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ حقني بحقائق أهل القرب واسلك بي مسالك أهل الجدب. أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك، أنت الذي أزلت الأغيار من أسرار أحبائك. كل هذا نقلا عن الكشف عن الصوفية لأول مرة. فهذا toutes ces paroles que vous avez entendues de qui ont été que cite Cheikh Rahmatullah alayh de dévoiler le Sophia pour la première fois dans l'histoire, dont les paroles de Ibn Atta, hada, il se lit, cette invocation se lit avant l'aube, waqt sahar, et dedans il y a la confirmation de l'unicité de l'existence. Quoi, Allah et ces créatures, c'est la même chose. A'oudou billah. Na'oudou billah min al-hawri ba'd al-kawr. Tawdih hadi al-ibara wal-ibara. Ma'na qawlu ayakounu li ghayrika min al-zuhur ma laysa laka hatta yakounu huwa al-mudhiru lak. Ya'ni annahu la yu'qalu fi 'uquli ashabi wahdat al-wujud al-munharifa an yakuna li ghayrihi ay li ghayrillah min al-zuhur ma laysa lahu hatta yakuna dhalika al-ghayr huwa al-mudhiru lak. Wa 'ala hadha fayakun anna kullama ما ظهر لك فرأيته ببصرك أو سمعته بأذنك أو لمسته بيدك فهو الله عياذا بالله من ذلك. Et voici maintenant Cheikh de prendre juste un passage et de nous éclairer dessus. Il dit dans ce passage où il dit Ayakoul, est-ce qu'il va être à quelqu'un d'autre que toi l'apparence que tu n'as pas pour que ce soit lui qui te fait apparaître? Hein? Et Cheikh de le dire, hein, Cheikh Najmi, d'interpréter ceci et de dire, c'est impossible et impensable dans l'esprit des gens qui croient en l'unicité de l'existence déviée que quelque chose puisse apparaître en dehors de Allah Azza wa Jal et que quelque chose puisse apparaître à Allah Azza wa Jal. Ça veut dire que tout ce qui apparaît et tout ce que tu vois avec ta vue, que tu entends avec tes oreilles, que tu touches avec tes mains, c'est Allah. Ayadan billah min dalik. Wa ala hada al-ma'na yuhmalu qawluhu mata ghibta hatta tahtaja ila dalilin yadullu alayk wa mata ba'udta hatta takuna al-athar hiya allati tusilu ilayk. Et sur cette signification se porte sa parole quand il dit quand est-ce que tu peux être absent pour que tu aies besoin d'une preuve qui te prouve? Et quand est-ce que tu es loin pour que tu aies besoin d'une trace qui amène vers toi? يعني أنك لم تغيب بل أنت موجود نراك ونسمعك ونلمسك فأنت الشمس وأنت القمر وأنت الكواكب وأنت السماء وأنت الصخر وأنت الإنسان وأنت كل شيء نراه ونسمعه ونلمسه ولو كان حقيرا كالكلب والخنزير أو مستقذرا كالجيف والنتن. Cela veut dire, dit Cheikh رحمه الله تعالى, c'est-à-dire que tu n'es pas absent, tu existes, et nous te voyons, et nous t'entendons, et nous te touchons. Tu es le soleil, tu es la lune, tu es les astres, tu es le ciel, tu es la terre, tu es la pierre, tu es l'être humain, tu es toutes choses que nous entendons, et que nous voyons, et que nous touchons. Même la plus vile des choses, tu es le chien, comme le porc, et comme toute chose impure, telles les cadavres puants. A'oudou billah. اللهم يقول الشيخ رحمه الله تعالى اللهم فاكتب لعناتك المتتابعة وغضبك المستمر على الصوفية المارقة الذين يزعمون أنك حللت في الفرج المنكوح والطعام المأكول والجيفة المستحيلة فهل هناك كفر أعظم من هذا الكفر؟ كلا. الشيخ دو فير سدعاء رحمه الله تعالى والله انفوأ تماليديكسيون اتاكولير continue constamment sur Sophia qui sont sortis de la religion, qui prétendent que tu es dans le vagin, et qui prétendent que tu es dans les choses qui se mangent, et qui prétendent que tu es dans les cadavres. Et il dit, rahimahullah ta'ala, est-ce qu'il y a une mécréance plus grande que celle-ci? Non, par Allah, il n'existe pas une mécréance plus grande que celle-là. Ça, c'est la aqida, et c'est la voie sur laquelle sont ceux qui sont dans Wahdat al-Wujud. Et le petit novice qui rentre dans Jamaat Tabligh, petit à petit il va y arriver. Au bout de 10 ans, 15 ans, quand on aura confiance en lui, quand on l'aura, hein, quand il sera aplati, obéissance aveugle à ses chouyours, dans ces cas-là, il va arriver à ce secret de Wahdat al-Wujud. Mais pas avant, frère, en Allah Azza wa Jal. يقول محمد بن هادي المدخلي تعليقا على هذا المقطع قال محمد زكريا الكندهلوي في كتابه فضائل الصدقات أريد أن أسجل هنا قصتين لأكبرنا كنموذج إحداها رسالة سامية لشيخ المشايخ قطب الإرشاد حضرة الكنكوهي قدس سره كل هذه ألفاظ صوفية وألفاظ لمن غرق في التصوف التي كتبها إلى شيخه شيخ العرب والعجم الحاج إمداد الله أعلى الله مرتبته يقول إن إطالة الكلام إساءة أدب اللهم اغفر فإنما كتب بأمر الشيخ أنا كذاب أنا لا شيء لا ظل إلا ظلك ولا وجود إلا وجودك من أنا لا شيء وما أنا هو أنت وما أنا هو أنت وتفريق هو أنا وأنت هو شرح محض أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ محمد بن هادي رحمه الله حفظه الله تعالى هادي الغابور دو زكريا الكندهلوي كي لين دي غون دو تيت اي لون دو سيونس دو جامعة التبليغ اي لو غابور دو سون ليفر فضائل الصدقات لي فيرتو دي زومون با 556 اي دي جو فو ايسي ترانسكريغ اون هيستوار دو هيستوار كي سون اريفي ا نو موديل اي ا نو غون. Il dit, l'une, la première histoire, c'est cette risala, cette noble risala, du Cheikh al-Mashayikh, le Qutb, le pivot de l'orientation, son éminence, le Kankouhi, Quddis Sirr, qu'il a écrit au Cheikh, à son Cheikh, le Cheikh des Arabes et des non-Arabes, qui est le Hajj Imdad Allah, A'la Allahu Martabata. Il dit, le fait d'être long dans les paroles, c'est un mauvais comportement. Oh Allah, pardonne. Il a été écrit avec l'ordre du shirk. Je suis un menteur, je ne suis rien. Il n'y a d'ombre que ton ombre. Il n'y a d'existence que ton existence. Qui je suis? Rien. Moi, je suis toi. Et le fait de faire la différence entre moi et toi, ce n'est qu'une explication. Je me reprends à Allah, je me reprends à Allah, je me reprends à Allah. Il se reprend à Allah de quoi? De faire la différence entre Allah et lui. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول أيضا في كتابه تبليغ نصاب فضائل القرآن إن الحق سبحانه منبع في الواقع لكل حسن وجمال والحق أنه لا يوجد في الكون جمال سواه. يقول الشيخ محمد بن هادي المدخلي فانظر إلى هذا الضلال والانحراف في عقيدة وحدة الوجود الكفرية عند شيخ الجماعة محمد زكريا عند شيخ جماعة التبليغ محمد زكريا الكندهلوي. وإذا أردت أخي المسلم معرفة ضلال هؤلاء فاقرأ كتاب الديوبندية ففيه بيان شافي لضلال وانحراف جميع مشايخ التبليغ في جميع أبواب العقيدة بلا استثناء. فجزى الله مؤلفه خيرا. وهذا كله كتبه محمد بن هادي المدخلي تعليقا على ما كتب شيخه الشيخ النجمي رحمه الله. Il dit رحمه الله تعالى dans son livre, c'est-à-dire il dit رحمه الله شيخ وحفظ الله الشيخ محمد بن هادي المدخلي. Il dit en rapportant de Zakaria al-Kandahlawi dans son livre تبليغ نصاب qui est réservé aux non-muslims ou aux non-arabes. Il dit dans le chapitre فضائل أعمال الفرتو ديال القرآن page 300 la vérité gloire à lui c'est la source de l'actualité. C'est la source en réalité de tout ce qui est beau, de tout ce qui est sublime. Et la vérité, c'est qu'il n'existe dans cet univers aucune beauté sauf sa beauté. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui existe sauf Allah, Azza wa Jal. Et Cheikh Mohamed bin Hadi al-Madkhali dit, regarde l'égarement et la déviation de l'aqida et l'aqida de Wahdat al-Wujud chez le cheikh de cette jama'a qui est Mohamed Zakaria al-Kandahlawi, qui est l'un de leurs savants. Regarde comment il est apparente la aqida de l'unicité de l'existence. والحق en vérité n'existe dans l'univers de beauté sauf sa beauté. Hein? Qu'il n'y a d'existence que celle d'Allah Azza wa Jal. Et Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali de nous dire, hein, si tu veux, frère en Allah Azza wa Jal, frère musulman, connaître l'égarement de ces gens-là, lis le livre de Diobandia. Diobandia, c'est un groupe. Et la majorité des hommes de science, le Mashaïr d'Yala Jama'at Tabligh, sont des Diobandites par excellence. Ils sortent de l'école d'Yala Dioband. Et dans ce livre, Diobandia, il t'éclaire un éclairement clair, il te donne un éclairement clair sur la déviation de tout le Mashaïr d'Yala Tabligh, dans tous les niveaux des croyances, sans exception. Et Cheikh Mohammed ibn Madkhali dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense celui qui a écrit, qui l'a écrit. Et cette Diobandia, ce livre, c'est un doctorat qu'il a eu par un Afghan qui a soutenu son doctorat dans la ville de Médine, à l'université de Médine. Fa anta sami'ta undur ila kalimat wa tafriq ana wa anta wa sharh al mahd fama fi ana wa la ant walakin fi al haqiqa kulluna ana aw kulluna ant. Tu as entendu cette parole, hein, de leur tête, hein, le kankouhi, hein, ni, il n'y a rien, il n'y a ni toi, ni moi, tout c'est nous et tout c'est toi. Il n'y a pas de différence entre Anna et toi. Le fait de faire la différence, c'est juste une explication apparente comme ça. وعلى هذا الشعر المنسوب إلى عمر الخيام وكان صوفيا والصوفية الذين انتسبوا إلى هذا المذهب وعرفوهم هم على هذه العقيدة الفاسدة ولكن هؤلاء الجدد لا يعلمون حتى يكبرون في الطريق وفي الجماعة ويوتقوا بهم ويصيرون كالمنديل بعدها يلقنون تدريجيا فأنا أعرف أن البعض يستغرب ولكن لا ضير عليك أخي لأن الجماعة منهجها محكم ولا يمكن أن تصل إلى هذه الحقائق إلا بعد مدة طويلة وأسفار عديدة ومحو ومسخ لشخصيتك أخ الإسلام. ها regarde cette poésie aussi qui est attribuée à Omar Khayyam. Il était soufi, il bénit dans l'unicité de l'existence. Pour ça certains journalistes ils disent ça c'est l'islam tel qu'on l'aime, quand il parle d'Omar Khayyam et d'autres. Et quand il présente le quart d'heure des religions sur la télé, souvent il te présente quoi? Omar Khayyam, Jalaluddin Rumi, Ibn Arabi, et que les éclatés. Et donc les soufis, qui appartiennent à des voies de soufis, hein, vont petit à petit vont gravir les échelons pour arriver à ce dogme nul. Mais si nouveau, et les nouveaux d'Yal Jama'at Tabligh, ils vont rien savoir de tout ça, jusqu'à ce qu'ils grandissent dans le jama'a et dans la voie, et jusqu'à ce qu'on ait confiance d'eux, jusqu'à ce qu'ils deviennent comme une serpillière dans les mains de leurs machaïr, et jusqu'à ce qu'on ait confiance en eux. Et petit à petit, on va leur injecter le venin. Et je sais que beaucoup vont trouver ça bizarre, mais il n'y a aucun mal que tu trouves tout ce que tu entends bizarre, car ce groupe, sa voie, il est bien perfectionné. Et leur jeu est bien ficelé. Et tu ne peux pas arriver aux réalités qu'après un long moment. Et après beaucoup de voyages, après qu'on a complètement anéanti ta personnalité et fait disparaître ta personnalité, hein, et défiguré ta personnalité, c'est à ce moment-là que tu vas arriver. Une fois que tu t'annules, qu'il n'existe plus rien pour toi que le jama'a et que le groupe. Que jama'a tabligh. À ce moment-là, tu vas arriver à certains degrés. يقول الشيخ النجمي حفظه رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته نقلت لك هذه النقول وهي قليل من كثير لتستيقن أن ما قلت عنهم أنهم حينما يقولون لا إله إلا الله إنما يقصدون معنى أنه لا يوجد إلا الله وأن هذه عقيدتهم التي يتسترون عليها وأن معنى قوله إخراج اليقين الفاسد على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله لا يقصد به إلا هذا الاعتقاد الخبيث كما أوضحته سابقا. ومما يدل على صحة ما أوضحته أن محمد إلياس كان يجلس في المراقبة الجشتية عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي طغت عليه فكرة أصحاب وحدة الوجود، ولو كان منكرا لهذه الفكرة ما جلس عند قبر من قالها وأقرها وتفوه بها. وهذا لا شك فيه يا أخي الإسلام. Et Cheikh Najmi de nous dire, je t'ai ramené tous ces dires, et je les ai transcrits, et je les ai mis entre tes mains, pour que tu aies la certitude que ce que je te dis, c'est une réalité. Que quand ils disent La ilaha illallah, ils veulent par là que rien n'existe qu'Allah. Et ça c'est leur dogme, surtout si leur mashaïr, leur grand, c'est leur dogme. Mais ils se cachent derrière cette signification, cette expression, sortir les fausses certitudes sur les choses et rentrer la réelle certitude sur l'essence de Allah Azza wa Jal. Mais ils veulent avec aqidat wahd al-wujud, le dogme des fausses croyances, le dogme de l'unicité de l'existence. Cette croyance impure, comme nous en a éclairé Cheikh rahimahullah ta'ala. Et ce qui te prouve la validité de tout ce que je t'ai éclairé des cheikhs, rahimahullah ta'ala, c'est que le fondateur de ce groupe, qui est Mohamed Ilyas, restait pour faire l'observation justice, justiya hadi, à côté d'une tombe. Justiya, c'est l'une des quatre tariqa du jama'at tabligh. Et il se mettait pour le muraqaba hadi, pour l'observation, à côté de la tombe d'Abd al-Qaddous, le Kankawhi. Et ce Abd al-Qaddous, le Kankawhi, il croyait en l'unicité de l'existence. Sa pensée était prise par l'unicité de l'existence. Et si Mohamed Ilyas blâmait cette aqida et cette pensée, il ne serait pas assis à côté de la tombe de quelqu'un qui confirme et qui parle avec l'unicité de l'existence. Et ça, il n'y a aucun doute là-dessus, akhi al-Islam. Faslun. فيما ذكروا عنهم الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى قال وأما في باب السلوك فهم صوفية، والصوفية من شر أهل البدع، وقد تقدم ذكر الطرق الأربع التي كانوا يبايعون أتباعهم عليها. قال هي الجشتية والنقشبندية والسهروردية والقادرية. قال ومن أورادهم إلا الله 400 مرة، والله الله 600 مرة يوميا، والألفاس القدسية 10 دقائق يوميا، وتتحقق بالتساق اللسان في سقف الفم، والذكر بإخراج النفس من الأنف على صورة لفظ الله، والمراقبة الجشتية نصف ساعة أسبوعيا عند أحد القبور بتغطية الرأس، والذكر بهذه العبارة الله حاضري الله ناظري. وهذه الأوراد بدع وضلالات مخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. Donc voici un autre chapitre, toujours concernant Jama'at Tabligh, et cette fois-ci, Cheikh Najmi Rahimahullah Ta'ala va prendre des paroles du Cheikh Hamoud bin Abdallah Twijri Rahimahullah Ta'ala, qui était un grand homme de science, et qui est mort, Rahimahullah Ta'ala. Qala, il a dit, c'est-à-dire Twijri Rahimahullah Ta'ala, quant au chapitre du comportement et de la voix, Tabligh, ce sont des sophies. Et il dit, Sophia, ce sont les pires gens de l'innovation. Et que, il a dit, il est passé auparavant qu'ils ont 4 voies Sophie, sur laquelle ils prennent l'allégeance. Et sur laquelle eux-mêmes et leurs grands ont donné l'allégeance. Et ces voies Sophie sont Justiya, wa Naqshbandiya, wa Sahrawardiya, wa Qadiriya. Et il a dit, fait partie de leurs invocations, ils disent tout simplement « Illallah » 400 fois, toute seule, « Illallah ». Et ils disent « Allah » 600 fois. Regarde, 400 fois, toute seule, « Illallah ». Et 600 fois Allah, Allah. Et aussi les respirations bénites, l'anfas al-Qudsiya, 10 minutes par jour. Comment ça se passe? Comment on arrive à l'anfas al-Qudsiya, à la respiration sacrée? C'est on colle la langue dans son palais, au haut du palais. Et on sort la respiration par... On sort la respiration du nez sous l'expression, sous la forme de Allah. Allah, Allah. Regardez comment on joue, comment ils arrivent à jouer avec... Avec quoi? Ils arrivent à jouer avec l'invocation. Et aussi fait partie de leur invocation, l'observation d'El-Jushtia, qui est une demi-heure chaque semaine, à côté d'une tombe, en mettant un drap sur la tête, en couvrant la tête, et en disant ces expressions, Allahu hadiri, Allah m'est présent, Allahu nadiri, Allah me voit, Allah m'est présent, Allah me voit. Et ça, ce sont des invocations, et des awrad, qui sont des innovations, et de l'égarement, et qui sont en contradiction avec la voix de Muhammad alayhi salatu wasalam, de ses nobles compagnons, et de ceux qui les suivent à la perfection, akhal islam. ويقول رحمه الله تعالى من كلام شيخ تويجري وقد ذكر بعض العلماء عن التبليغيين نوعا آخر من الذكر وهو أنهم يكررون كلمة لا إله 600 مرة وإلا الله 4 مرات وذكر آخر عن عدد كثير من الرجال أنهم سمعوا جماعة من التبليغيين الهنود وهم في بيت في شارع المنصور في مكة يكررون كلمة لا إله نحو من 600 مرة ثم بعد ذلك يكررون كلمة إلا الله نحو من 200 مرة ويقولون ذلك بصوت جماعي مرتفع يسمعه من كان في الشارع وذلك بحضرة شيخ من كبار مشائخهم الهنود وقد استمر فعلهم هذا مدة طويلة وكانوا يفعلون ذلك في الشهر مرتين مرة في نصفه ومرة في آخره. Donc, et Cheikh Twijri, rahimahullah ta'ala, de nous rapporter de certains homme de science, que Tiblirin avait une autre forme d'invocation. Il répète la ilaha 600 fois. Une fois qu'il termine la ilaha 600 fois, à ce moment-là, ils disent illallah 400 fois. Il a été rapporté de beaucoup d'hommes qu'ils ont entendu du groupe du Jama'at Tiblir parmi les hindous dans une avenue dans Shari' al-Mansour à Mecca répéter La ilaha 600 fois. Et répéter après ça, illallah 200 fois. Et ils le disent avec à voix haute et en synchro, en groupe. Et tous ceux qui passent dans la rue les entendent. Et ceux-ci en présence de l'un de leurs grands cheyours indiens, hindous. Et sur leur façon de faire, ils ont continué à le faire pendant plusieurs temps. Et ils le faisaient 2 fois par mois, une fois au début du mois et une fois au milieu du mois. Wa yaqulu Cheikh Twijri rahimahullah ta'ala wa la shakka an hadha min al-istihza' billah wa bi dhikrihi wa la yakhfa 'ala man lahu 'ilmun wa fahmun an fi'luhum hadha yatadammanu al-kufra 600 marra li'anna fasla an-nafy 'an al-ithbat fi qawli la ilaha illa Allah bi zamanin mutarakhi bayna awwal al-kalima wa akhiriha 'ala wajhi al-ikhtiyar yaqtadi nafy al-uluhiyyah 'an Allah 600 marra wa dhalika sarih al-kufr wa law anna dhalika waqa'a min ahad marra واحدة لكان كفرا صريحا فكيف بمن يفعل ذلك 600 مرة في مجلس واحد. الشيخ تويجر رحمه الله تعالى dans ce que rapporte dans son livre Cheikh Najmi, il dit il n'y a aucun doute que ceux-ci se sont moqués d'Allah et se moquaient de l'invocation d'Allah Azza wa Jal, car ce n'est pas caché pour celui qui a de la science et de la compréhension que leur façon de faire, que c'est une mécréance 600 fois, quand ils séparent la négation de l'affirmation, quand ils disent la ilaha 600 fois il laisse un laps de temps et après il ramène illa Allah, ceci ils enlèvent, ils nient Uluhiyatullah 600 fois. Il nie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est Allah, il est le seul digne d'être adoré 600 fois. Et ça, c'est de la mécréance claire. Et il dit, si ceci est arrivé de quelqu'un qui le dit une seule fois, c'est une mécréance claire. Qu'est-ce qu'il en est de quelqu'un qui le fait 600 fois dans une seule assise? Wahada akhal islam, il faut que tu comprennes de ça, c'est pas à rendre mécréant un individu. Là, c'est une sentence générale. Il ne concerne pas un individu. Bien comprendre les choses, akhi. Thumma inna ityanahum bi kalimati al-itbat ba'da fasli 'an kalimati an-nafi bi zamanin mutarakhin la yufiduhum shay'an wa innama huwa at-tala'ub bi dhikrillah wal-istihza' bihi wa hadha al-munkar al-qabih wad-dalal al-ba'id من نتائج تقليدهم لشيوخهم شيوخ السوء والجهل والضلال الذين أغواهم الشيطان وزين لهم ما كانوا يعملون. Et le fait qu'il ramène l'affirmation إلا الله et en la séparant de la négation avec un laps de temps, ceci ne leur sert à rien. Ceci, c'est un jeu. Ils sont en train de jouer avec Dhikrallah. Ils sont en train de se moquer avec Dhikrallah. Et ça, c'est une parole blâmable. Et c'est de l'égarement. Et c'est un égarement lointain et clair. Et ceci, pourquoi ils agissent ainsi? Parce qu'ils imitent leurs chouyours, les chouyours du mal, de l'ignorance et de l'égarement qui ont été détournés par Shayatin. Et Shaytan leur a embellé leurs actes. يقول شيخ أبو مالك معلقا على هذا وحاكي الكفر ليس بكافر هم يقولون لا إله 600 مرة ثم بعد ذلك يقولون إلا الله نحو 200 مرة والشيخ العلامة التجري رحمه الله يقول فعلهم هذا يتضمن الكفر 600 مرة لأن فصلهم النفي عن الإثبات النفي لا إله إلا الله الإثبات إلا الله لأن شهادة لا إله إلا الله تضمنت نفيا وإثباتا ففصل النفي عن الإثبات بزمن متراخ على وجه الاختيار كما في هذا الذكر المبتدأ يقتضي نفي الألوهية عن الله عز وجل 600 مرة لأنهم يقولون لا إله 600 مرة ينفون الألوهية حتى عن الله 600 مرة دونك. Et Abu Malik de nous dire, celui qui compte la mécréance, ce n'est pas un mécréant. Celui qui parle de la mécréance, ce n'est pas un mécréant. Ils disent, la ilaha, 600 fois. La ilaha, 600 fois. Et après ça, ils ramènent, après les 600 fois, ils ramènent 200 fois, ou selon l'autre version, 400 fois, illallah, illallah, illallah. Et Cheikh Twijri dit que, le fait qu'ils agissent ainsi, ceci contient qu'ils ont mécru 600 fois, la mécréance 600 fois, en séparant la négation de l'affirmation. La négation dans la ilaha et l'affirmation dans illallah. Car l'attestation de foi, la ilaha, contient la négation et l'affirmation. Et le fait de séparer la négation de l'affirmation, avec un laps de temps, en choisissant de le faire, comme il est dans cette invocation innovée, cela implique qu'on ne reconnaît pas l'Uluhiyatullah 600 fois. Parce qu'ils disent la ilaha 600 fois. Il n'y a pas de divinité 600 fois. Ils anéantissent. Hein? Ils mettent de côté l'Uluhiyatullah 600 fois. Wala taqul ayyuha al-akh an hada ghayr mawjoud. Hada. أنا رأيته بأم عيني بعد صلاة العشاء في مسجد بمدينة بال سويسرية ليلة قبل إقامة الاجتماع بحضرة حافظ باتيل أميرهم في إنجلترا. رأيت هذا من أحد الإخوة التونسيين من كبارهم هناك في مدينة بال، وكان عند النفي يضرب برأسه على اليمين لا إله ويضرب برأسه بقوة على اليمين، وعند الإثبات يضرب برأسه على الشمال بقوة حتى احمرت عيناه ونزل منه العرق. Donc il dit pas frère en Allah Azza wa Jal que ceci n'existe pas. Je l'ai vu avec mes propres yeux dans l'une de mosquées de Bâle en Suisse la veille d'une grande réunion d'Yel Tabligh là-bas, et la réunion allait se faire en présence de l'un des grands chouurs qui est venu d'eux, donc le tas qui s'appelle Hafed Patel, c'est l'un de leurs grands chouurs, hein. Et l'un des frères tunisiens là-bas, qui faisait parmi les grands tunisiens là-bas, qui a fait l'Inde, le Pakistan, etc., il s'est mis, après la prière d'Yel l'Isha, il s'est mis contre le mur, et il disait la ilaha, en tournant sa tête avec force vers la droite. Je voyais sa barbe qui bougeait dans tous les sens. Ses yeux, à un moment donné, sont devenus rouges, et il avait la sueur qui tombait sur son visage et sur sa tête. La sueur coulait. Et quand il est arrivé, illallah, à la négation, il bougeait sa tête vers la droite, avec force. Et quand il est arrivé à faire illallah, il bougeait sa tête, il la faisait tomber sur son cœur, avec force aussi. Il la remontait, il faisait comme ça, hein, vers le cœur. Enfin, l'islam ne dit pas, si tu ne connais pas quelque chose, c'est pas parce que tu ne sais pas, ou tu n'as pas entendu, ou là tu l'as pas vu, que ça n'existe pas. Hein? Et celui qui connaît une chose et qui l'a vue, il est une preuve contre celui qui ne l'a pas vue. Et celui qui a su une chose, il est une preuve contre celui qui ne la connaît pas. فقال شيخ تويجري رحمه الله تعالى وذلك صريح الكفر ولو أن ذلك وقع من واحد مرة واحدة لكان كفرا صريحا. أي لو أن شخصا جاء وقال لا إله مرة واحدة كان هذا كفرا، فكيف بمن يفعل ذلك 600 مرة في مجلس واحد؟ نعوذ بالله من الضلال. Et Cheikh Twijri, rahimahullah ta'ala, il a dit, le fait d'agir ainsi, de séparer la négation de l'affirmation, c'est une mécréance qui est claire. Et si ceci arrivait dans une seule assise d'une personne, il le faisait une fois, il disait, la ilaha, c'est une mécréance claire. Qu'est-ce qu'il en est de quelqu'un qui le dit dans la même assise, 600 fois? Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le protège, ceci est un égarement clair. وقال الشيخ محمد التويجري رحمه الله ثم اتيانهم بكلمة الإثبات بعد زمان متراخ لا يفيدهم شيئا، قد يقول قائل لكن القوم يقولون بعد ذلك لا إله إلا الله. قال العلامة التويجري رحمه الله هذا ما يفيدهم، وإنما هو التلاعب بذكر الله والاستهزاء به، وهذا المنكر القبيح والضلال البديء البعيد من نتائج تقليدهم لشيوخهم شيوخ السوء والجهل والضلال الذين أغواهم الشيطان وزين لهم ما كانوا يعملون. الشيخ تويجري nous dire, mais quand il ramène la parole de l'affirmation après un laps de temps, ceci ne leur sert à rien, car quelqu'un peut dire, ils disent illa Allah après. Il dit après la ilaha illallah 600 fois, ils disent 200 fois, la 400 fois, illallah. Cheikh Tuizilis dit ça leur sert à rien. Ceci, c'est jouer avec l'invocation d'Allah Azza wa Jal. Jouer avec cette adoration qui est le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal. Et l'allama Tuizil Rahimahullah dit ça ne leur sert à rien. C'est un jeu, c'est se moquer. Et ça, c'est quelque chose de blâmable. Et c'est un égarement clair et lointain. Et ceci leur est arrivé pourquoi? Parce qu'ils imitent leur chouyour, le chouyour d'Inde et du Pakistan, le chouyour du mal et de l'ignorance et de l'égarement. Ces chouyours que Shaitan a dévié de la voie droite, il leur a embellé ce qu'ils font. فَلَا نَغْتَرْ إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ فَنَقِفُ عِنْدَ هَذَا الْحَدِّ إِنْ شَاءَ اللَّهِ الْيَوْمِ وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.